pale, li tellement bon, li fè sa li vle. Oh oui, bon Dieu mon amour. Oh oui, bon Dieu mon amour. Oh oui, bon Dieu mon amour. Li tellement bon, li fè sa. Mon Dieu, mon grand, tu fais boiter, marcher. Mon Dieu, mon grand, tu fais avec Yoé. Li tellement grand, tu fais ça. Moi